Bien sûr, il y a la guerre d'Irlande et le peuple là de sa musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre, il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vaut mon Tony. Bien sûr, on marche sur le fleuve, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, sa ville est épuisée par ses enfants de 50 ans, notre impuissance à les aider, et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite se met trop rempli de noyés, la vérité qui nous évite. Mais me voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres, mais le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous laissent. Mais voir un ami pleurer.